On va parler avec Eric Wood. Salut Eric. Salut Denis. Eric, la longue saison du Canadien se termine ce soir. Si je t'aurais dit en début de saison que le Canadien terminerait 32e, est-ce que tu m'aurais cru? Non, je t'aurais pas cru, Danny, sûrement. Mais moi, je savais, j'avais prédit qu'il ferait pas les séries. Mais de là à ne pas finir dernier, c'est une autre chose, là. Mais tu sais, avec les blessures, tout, avec le changement d'entraîneur. Mais tu sais, d'un autre côté, c'est négatif. Mais côté positif, on va avoir peut-être le premier choix au total, donc se reconstruire un peu plus facilement, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, moi, je suis pas. Tu sais, les gens disent oui, mais pourquoi c'est. Il y en a qui ont honte de ça, mais oui, c'est dans un sens. Par contre, écoute, tu faisais pas série pareil, là. À partir du moment où tu fais Non. pas série, ça donne quoi, là, de finir 12e? Tant qu'à ça, Ben, finis dernier. Tu sais, moi, je t'as suis aussi de raison, même t'as que je vois raison. ça, là. Puis si tu regardes dans la ligue, la plupart des bonnes équipes, à un moment donné ou à un autre, ont terminé dans les bas-fonds, puis ils ont su ou ils ont été chanceux de repêcher un joueur étoile. T'en as pas un à chaque année. Cette année, un Shane Wright, ça va être un bon joueur de hockey, mais peut-être pas dans les McDavid, Crosby et compagnie. Mais toutes ces équipes-là que je viens de te nommer, à un moment donné, ont fini dans les derniers un an ou deux, puis tu vas chercher deux bons joueurs qui reconstruisent ta franchise assez rapidement. C'est sûr que t'as pas les Sabres de Buffalo est le plus bel exemple. 11 ans sans faire les séries, puis t'arrives, puis ils ont eu plusieurs choix au repêchage. T'as également les Ouais. Oilers d'Edmonton que le Jello, bah, quand moi je pense, j'ai pas trop grosse confiance. Quand Mike Smith est ton gardien de but numéro 1 puis tu rentres en série, là, c'est pas de bon augure. Par contre, y en a d'autres que c'est un succès, là aussi. Là. Mais c'est pas gage, c'est sûr que c'est pas gage de Non. succès, mais t'as plus de chance. Ouais, puis c'est sûr, après, il faut que tu mettes un petit peu de viande alentour. Ben oui. Ça prend pas juste un joueur ou deux, puis tu le vois là encore, Colorado ou Toronto qui ont des bonnes saisons là, dans les séries. C'est plus difficile, mais ça t'aide plus rapidement pareil à reconstruire. Mais comme tu dis, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la Coupe Stanley. Puis j'ai aimé ton point. Tant qu'à finir 20-21e, t'as aussi bien de finir 32e, puis améliorer tes chances. Tu fais pas les séries de toute façon. Puis tu sais, mais surtout les équipes canadiennes, c'est difficile à chercher les joueurs autonomes. C'est ça. Fait que c'est plus facile avec le repêchage. Donc tu dois te sacrifier peut-être une année ou deux, puis t'essaies de reconstruire avec une bonne fondation. Puis tu vois ce que ça donne à l'avenir. OK. Évidemment, moi je pense que le Canadien avait une meilleure équipe que 32e, mais de là à la finale de la Coupe, le vrai club, je pense, qui se situe entre les deux. Ben ouais, c'est sûr, là, tu sais, t'enlèves Price Ouais. Weber, t'enlèves Perry, tu sais, c'était quand même des bons vétérans, des gars dans le vestiaire aussi, là, bon, Edmondson, il n'a pas été là, tu sais, Drouin, Caulfield, ça a été difficile en début de saison, mais écoute, on a quand même de bons jeunes, on a quelques vétérans capables de les entourer, on était chanceux un peu avec Petlick, peut-être, au ballottage. On a une couple de bons défenseurs qui arrivent. Donc, tu sais, l'avenir est quand même rose. Puis, comme je disais, peut-être avec un Shane Wright, on peut s'améliorer rapidement. Puis, avec la nouvelle organisation, peut-être un joueur autonome de qualité. Puis, Puis, tu peux être en business plus rapidement, là. ça peut relever de bord. 5, tu sais, je lisais les gens, là. Wright, c'est sûr que c'est pas Connor Bedard. Ça, c'est sûr et Non. certain, là. Par Exact. contre, t'as Suzuki au centre, t'as Wright. Si tu rappelles Wright, et puis t'as Suzuki. Après ça, Caulfield. T'ajoutes avec ça en défensive les Goulet, Romanov, Barron. Dis en affaire, ça peut aller vite la reconstruction, Oui, mais tu sais, ça aussi, on parlait de repêchage, mais tu là. sais, on ne sait jamais comment que les jeunes vont se développer ou Ouais. comment que la chimie va prendre ensemble. Tu regardes Ottawa qui ont plusieurs bons jeunes, puis c'est encore difficile d'être une équipe compétitive. Fait que ça prend, tu sais, il y a beaucoup de parité maintenant. Fait que ça prend un petit peu de tout, puis il faut que ça poigne entre eux aussi. Fait que c'est pas. Ça paraît facile, mais en même temps, ça ne l'est pas. Il y a des blessures, tu sais, il y a plein de choses qui arrivent qui peuvent arriver, mais tu sais, au moins, ça va être plus rose que cette année. On va sûrement prendre une décision dans le cas de Price aussi. Il Ouais. revient, est-ce qu'il y revient? Il revient pas. Donc, ça pourrait peut-être libérer un peu de place à la masse salariale. Puis, comme je disais, Petrie. avec Martin Saint-Louis, ouais, Petrie. Avec Martin Saint-Louis, ça va être plus attrayant pour des joueurs autonomes de venir ici. Puis, on a quand Mais même beaucoup de choix au repêchage. On peut les échanger aussi, là. Tu as parlé de Martin Saint-Louis. Je pense que quelque part, cette année, c'était pas vraiment. T'sais, quand il est arrivé, il n'y avait pas de pression. C'était un petit peu de changer Ouais. d'atmosphère dans le club. Mais l'an prochain, ça va être tout autre chose. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le cas de Saint-Louis. Là, ça va être une autre Ben ouais, affaire. ça va être exactement. Il va y avoir de la pression, ça va être plus difficile. Là, on était beaucoup axé sur l'offensive. Ouais. Donc, oui, statistiquement parlant, il y a des gars qui ont débloqué. Ça a bien été, c'est le fun de jouer au hockey. Mais comme tu dis, c'est ta préparation, l'ambiance est différente quand tu arrives, puis tu joues pour le fun ou quand tu arrives, puis le 2 points est important, puis tu dois bien jouer défensivement. Puis, tu sais, l'entraîneur, c'est plus sérieux un petit peu. Fait que ça va être un meilleur test, ça va être un bon test pour Martin Saint-Louis de partir ça sur une page blanche, puis d'avoir de la pression en début de saison. Effectivement. Les séries qui vont commencer la semaine prochaine, on va avoir l'occasion de se parler durant le temps des séries. Comment tu trouves ça risque d'être. Quand tu dis que les 8 clubs ont 100 points et plus, là, ça va être. Ouais. On risque d'avoir des maudites belles séries. Puis bien malin peut dire qui va sortir. Hein? Tu sais, dans Ah l'Ouest, on non, peut on dire sait pas. Colorado, on peut dire Floride dans l'Est, mais moi j'ai des points d'interrogation avec devant le filet des deux côtés, Floride et Colorado. Caroline avec les deux gardiens de but partis, ça aussi ça fait mal. Ouais. Moi, une équipe que moi je pense, le Wild du Minnesota, ils vont être à surveiller. C'est une équipe bâtie pour les séries, une équipe lourde. L'arrivée de Marc-André Fleury va les aider aussi. Comment tu vois ça, toi? Ben, ça va être intéressant de voir des deux Ouais. côtés. C'est sûr, tu sais, dans les séries, c'est pas compliqué. On l'a vu avec Montréal l'an passé. Si ça te prend un gardien hot, tu sais, que ce Ouais. soit n'importe qui devant le filet, si ton gardien il est juste très bon, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, que ce soit Toronto, Caroline ou d'autres, tu parlais de justement, même Calgary de l'autre côté, Colorado, ça va être, c'est toutes des excellentes formations. Ça va être, moi, je pense, celui qui va passer, ça va être celui qui a le meilleur gardien de but. Parce que c'est toutes des bonnes équipes, sont toutes bien construites pour les séries. Floride, même chose, qu'on sont allés all-in cette année. Mais je reviens à dire, le gardien le plus hot, c'est cette équipe-là qui va passer. Puis c'est comme ça à chaque année. Puis le gardien qui va être juste très bon ou moyen, ben il va y en manquer un petit peu, puis ils vont se faire éliminer. Je pense que ça va être encore ça, le nerf de la guerre dans les séries, ça va être ton gardien de but. Tu sais, j'en parlais du côté de Toronto. J'ai hâte de voir ça passe ou ça casse du côté des Leafs cette année-là. Puis il y a plus de chances que ça casse que ça passe. Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais dit, ils vont au moins passer à la première ronde. Mais comme tu dis, tu sais, ils ont tellement des gros contrats. Puis oui, tu as quelques superstars. Puis tu sais, Matthews avec 60 buts, on sait comment c'est dans les séries. Ça n'a pas super bien été. Marner aussi l'an passé dans les dernières années. Fait que si tes joueurs vedettes, c'est correct d'être bon en saison régulière, c'est une chose. Mais est-ce que tu es capable de le faire en série? C'est une autre chose. Puis, tu l'as dit devant le filet, défensivement aussi. On a beaucoup de gros noms à l'attaque, mais dans les séries, c'est du jeu robuste puis c'est du jeu défensif. Fait que, est-ce qu'on s'est construit à l'envers du côté des Leafs? Du moins, à preuve du contraire, c'est ça qui arrive présentement. On est très bon en saison, mais on fait patate en série. Mais écoute, c'est sûr que si ça passe pas, il va y avoir des décisions à prendre côté sélection de joueurs de ce côté-là, comment qu'on continue notre formation. Mais avant tout, on va donner la chance aux coureurs, puis peut-être que ça va bien fonctionner cette année. Là. OK. Parlons en terminant. Je veux t'amener sur un point important que j'ai entendu cette semaine à Radio X Québec. Réjean Tremblay qui est allé à une déclaration. Puis c'est assez particulier que Marc Bergevin aurait retiré le parking à Guy Lafleur dans le temps. Et Jean Béliveau, il voulait même pas que Jean Béliveau mette le chandail du Canadien. Hey, je sais pas, là, tu sais, Marc Bergevin, écoute, c'est sûrement une très très bonne personne, je suis convaincu de ça. Par contre, est-ce que le pouvoir du directeur général lui a monté à la tête? Je sais pas, tu sais, je me pose la question. Hey, c'est Guy Lafleur, là, c'est pas un no-name, là, c'est pas qui est Ouais, non, t'as arrivé, là. raison. T'as Hein, raison. Ben là, c'est épouvantable. je sais pas si c'est vrai, mais je sais que Marc Bergevin était moins du côté des anciens, sans dire qu'il voulait les éloigner. Je pense que c'était pas si important dans sa tâche de travail. Puis, tu sais, même moi, j'étais un ancien, puis je suis pas Guy Lafleur, loin de là, mais tu sais, on n'était pas très, très impliqués autant que ça, les bienvenus. Tu sais, moi, c'est pas grave, je suis pas une superstar, mais ces gars-là, les anciennes légendes, peut-être qu'ils le prenaient différemment ou autrement, mais tu sais, c'est. Écoute, moi aussi, Marc Bergevin, je le connais pas beaucoup personnellement, mais tu sais, c'était sa façon de faire, puis ça a déplu à beaucoup d'anciens. Il y en a qui sont pour ça de ramener ou de côtoyer les anciens de ton organisation. Puis lui, je pense qu'il était pas pour ça. Donc, tu sais, il avait ses qualités, mais de ce côté-là, peut-être Mais qu'il y a un petit manque. Eric, les Canadiens, c'est les Yankees de New York. Okay? On s'entend pour dire ça, là. Est-ce que c'est. Tu sais, j'ai lu Jake Evans, ne savait même pas qu'est-ce qui représentait Guy Lafleur. C'était Brendan Gallagher qui a expliqué c'est quoi pour le Québec. Fait que, tu sais, comment veux-tu. Donc, c'est. À quelque part, là, c'est. Tu sais, la fierté de porter du chandail du Canadien, là, faut que ça soit inculqué. Tu sais, quand Jake Evans, c'est même pas ça représente quoi Guy Lafleur, comment veux-tu? Hey. Ben, t'as raison, Danny, mais encore là, ça, c'est, je veux pas excuser, mais les jeunes maintenant, tu sais, nous, on est plus âgés un petit peu, puis on est des Québécois, puis on suit les Canadiens. Mais tu sais, maintenant, le hockey est rendu mondial. Fait que le joueur américain, le joueur européen, tu sais, Guy Lafleur, ou même, je vais aller un peu plus récent, un Stéphane Richer ou un Mats Näslund, tu sais, je nomme des noms plus années 80, 90. Tu sais, ils n'ont aucune idée c'est qui ces joueurs-là. Donc, tu sais, c'est même les jeunes maintenant, eux autres, ils regardent les superstars, puis ils savent c'est qui Crosby, McDavid. Mais du côté du Canadien, c'est plus comme c'était. Puis, les Canadiens, ben, ils gagnent plus de championnats comme Alors. les Yankees le font ou qu'ils l'ont fait dans le passé. Fait que, tu sais, la fierté ou la tradition, c'est plate à dire, mais c'est plus ça pour la nouvelle génération. Le Canadien, c'est une équipe parmi tant d'autres. Et puis, tu Ça, sais, je suis le d'accord. jeune. Je suis d'accord. Même le jeune Québécois, Danny, je vais aller plus loin, même les jeunes Québécois, c'est plus tant un but de jouer pour les Canadiens. Ils veulent seulement jouer dans la Ligue nationale et être millionnaires, puis c'est ça la nouvelle Ça, génération. je suis d'accord, mais à quelque part, c'est pas à l'organisation, à quelque part de je comprends tout ça, là, ce que tu dis, là, ça a changé, oui, je suis Ouais. d'accord, mais de pas savoir c'est qui Guy Lafleur, on parle pas d'Yvon Lambert, là. T'sais, Non, ben là, je ne sais pas si ça prendrait un cours d'histoire ouais, c'est en ça. arrivant dans les Canadiens, mais c'est plate, mais tu sais, nous, ça, c'est là, c'est des gars quand même années 70. Fait que tu sais, le jeune de 23 ans qui arrive dans le Canadien, qui est né en 1999, lui, son modèle, c'est les années 2000, puis tu sais, 2010, puis le Canadien n'était pas très bon dans ces années-là. Donc lui, son modèle, c'est Sidney Crosby. C'est des gars comme ça. C'est pas les joueurs du Canadien. Les Canadiens n'ont pas gagné dans ces années-là. Donc, tu sais, lui, il veut jouer en Floride, il veut jouer à Tampa Bay, il veut jouer à Pittsburgh parce que c'est ces équipes-là qui remportaient des championnats au Colorado, peu importe. Là, c'est pas vraiment le Canadien. Donc, tu sais, je sais que ça peut être fâchant, frustrant pour les personnes plus âgées, mais tu sais, si tu te mets dans la peau de ces jeunes-là, puis c'est encore ça aujourd'hui, là. Moi, je suis avec des jeunes au quotidien, puis c'est pas je veux jouer dans les Canadiens, c'est par exemple, ça a l'air le fun de jouer à Vegas, ça doit être le fun de jouer à Los Angeles. Tu sais, Ben, là, ah oui, McDavid, il joue là, puis c'est ça maintenant, là. Éric, j'arrive à 50 ans, puis j'aurais un choix. Mettons, je serais joueur autonome aujourd'hui. Je serais un joueur d'hockey, je serais joueur autonome. Montréal, ce serait pas ma destination. Ben, puis tu le vois aussi présentement, Ben même ouais. depuis les 15 dernières années, les joueurs actuels à la Ligue nationale, c'est pas à Montréal qu'ils vont venir jouer, là. Ils vont jouer à New York, ils vont jouer dans un gros marché. Ah, OK, je vais aller jouer à LA, je vais aller jouer peu importe, Boston. Puis on l'a vu avec plein de joueurs depuis les 15-20 dernières années. C'était pas Montréal leur destination première. Fait que, tu sais, la mentalité là-dessus a changé. Ça peut être fâchant. Il y a des belles villes, tout le monde est bien organisé, tu as des beaux marchés. Tu sais, le dollar canadien-américain, donc il y a plusieurs Ah, facteurs, la la pression. température, tu sais, C'est ça, exactement, exactement. Fait que le joueur, tu vois, toutes les équipes canadiennes en fait, je dirais, peut-être mis à part un petit peu Toronto, Puis encore. c'est ça. Puis encore, c'est pas les destinations premières des joueurs autonomes. Puis on le voit aussi par juste statistiquement parlant, c'est pas là que les joueurs veulent aller. Puis c'est pour ça que c'est difficile d'avoir de bons joueurs autonomes au Canada. Les gars ne veulent pas jouer ici pour de multiples raisons, puis ils vont jouer aux États-Unis ou dans des meilleurs marchés. Éric, merci beaucoup. On s'en reparle dans une couple de semaines. Parfait, Danny, Notre merci ami beaucoup. Éric Houde qui nous Salut, parlait bye. du Canada.